Question 12. Comme ce véhicule rouge, je laisse le clignotant gauche activé pendant toute la durée du dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B.